Ça, c'est un remake d'hier, hein, parce que voilà. très bien. Hein. Chaque fois, tu fais le job parfaitement. J'ai rien à te dire. Sinon que bravo. J'ai rien à te dire. Sinon que bravo.